pour vos dames. En guise de bonne femme. Oh, c'est une maladie, la zoophilie. Salophile, le zoophile, ta perversion t'a perdu. Un jour on t'a retrouvé évanoui, avec un nunchaku à coups dans le cul. C'était pas malin de partouser, avec les tortues ninja au grand complet.